Master. Wake up, people. Tous les jours. 5h-10h, start. Master. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de l'actu du net, l'horoscope de ce jeudi. On parle de Kim Kardashian aujourd'hui. Where do you get this information? C'est une des conséquences du rebond de l'épidémie de la Covid-19. Wake up. Master. Tous les jours. 5h-10h, start. Master. Wake up. What's up, y'all? Vendredi. Le meilleur before pour vos soirées. DJ Florent. Le mashup. 19h30, 21h. Le mashup. Les sons les plus joués en club, mixés et remixés par DJ Florum. Vendredi, DJ Florum, c'est sur Master. Le mashup de DJ Florum, comme tous les vendredis soirs entre 19h30 et 21h, les sons les plus joués en club. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment. Une pensée à tous ceux qui travaillent dans les clubs, tout le secteur événementiel qui est touché par la crise du coronavirus. On pense à vous, on essaie de vous changer les idées ici sur Master avec le mashup de DJ Florum tous les vendredis soirs entre 19h30 et 21h. Il mixe pour vous comme s'il était en club, et ça c'est uniquement sur Master. Le prochain quart d'heure, on va se faire très 2000 avec Rihanna Pondé Replay, un remix de DJ Florum, comme il sait très bien le faire. On va se faire du Pitbull, SNCTO pour El Taxi et Blue Cantrell, Sean Paul. Voici Breeze maintenant, c'est Master, le mashup de DJ Florum jusqu'à 21h. DJ Florum, mashup, c'est sur Master. So what's life supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Blaming this on all the good times daily. Why you tryna pose? I can't be acting shady. What's life supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Trying to pull, I give it a good loving daily. Now you tryna pose? I can't be acting shady. You say you love me, say you love me, but you never there for me. Make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's that supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy. Reminisce when all the good times daily. Why you trying to pose? I can't be acting shady. So what's that supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy. Reminisce when all the good times daily. Why you trying to pose? I can't be acting shady. Don't party, party. Don't party, party. Don't party, party. Don't party, party. paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos pa'l agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error. Yeah. Ey, y te conozco, calamardo. Ya, dale sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party. Estamos en bikini con toda la mami. Con la mami, ya. Yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. Ey, tanto calor que me asfixio. Soy una estrella pero no soy Patricio, nah. Sacúdete la arena, arenita, y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita y party. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. Viste todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Chocamos el taxi, era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula, y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace vino, sí, hace vino. La conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, camino al club, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo me vi. Conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? ¿Cómo? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, ¿quién ayer aquí? Sí, era hiki. You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tu dedo miñiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella se ella vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. I'ma show you how to move. turn the music up. Hey, presiento es que tú quieres rumba y mami. Baila más todo, cuídale lento. Pa' la cultura y pa' que se prenda y mari. Ya veo llegando las cubanas, vienen con las colombianas y me dicen que trajeron pa' mí. Una amiga dominicana con todas las de Puerto Rico que llama a todos los panas pa'l party. Que ellas aguantan presión, quiere que le agarre el traje y la pegue a mi pantalón pa' subirle la emoción. Y nos vamos de misión duro hasta el otro día pa' matar la tentación. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Ponte pa' la danza. Báilalo tú, tra, tra, bucu, tú. No le bajes ni dos, esa es la actitud. Báilalo tú, tra, tra, bucu, tú. No le bajes ni dos, esa es la actitud. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Pa' la cultura, cultura, cultura. Yo soy como Richard, yo no los veo. Yo soy el CEO de ese meneo. Hotel donde llevo, yo tengo el sorteo. So, volando muy alto, yo no los veo. Es pa' decirte que, es pa' decirte que estás pa' montarte en el taxi. No te toques casi, perreo nazi. Full kamikaze, hicimos todas las distintas de vuelta al de. Mami, mucho hielo en el cuello. O lo rolas tú, o lo rolas yo. Fashion y la bitch, modelo él y yo. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Pa' la cultura, cultura, cultura. ¿Dónde están las nenas más duras? Prende fuego y locura. Esa que no tiene censura. De seguro es sangre latina pura. Súbele, bebé, un poquito más. Hasta que el bajo te ponga a vibrar. Pa' la cultura, bebé. Talía. Pa' la cultura. Don't je fais du beat. Baby, on va t'en aller. So fresh, so clean. Baby, on va t'en aller. Pour toi, je fais du beat toute l'année. Baby, on va t'en aller. So fresh, so clean. On va t'en aller. Baby, on va t'en aller. Oh, oh, oh. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Pour toi, je fais du beat. Baby, on va t'en aller. So fresh, so clean. Baby, on va t'en aller. Pour toi, je fais du beat toute l'année. Baby, on va t'en aller. So fresh, so clean. On va aller. Baby, on va t'en aller. Oh, oh, oh. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. 06 52 49 36 10, ajoutez-nous sur WhatsApp, laissez votre message vocal à DJ Florum. DJ Florum qui vous répond, hein. Ça je vous le garantis. 06 52 49 36 10, c'est le message, c'est le numéro de téléphone de notre messagerie WhatsApp. On continue le mix de DJ Florum comme tous les vendredis soirs entre 19h30 et 21h. Voici 50 Cent, Eva Simons, DJ Snake et Willy William pour Tequero, remix de Namto maintenant sur Master. Te quiero, mi amor. yeah, yeah, yeah. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle it down to the floor. call it Rover. Brown skin gal with a bakeloma. Can I get your name? It'd be nice to know ya. Pretty sure I'll get you wet with my super soaker. I don't really drink when I'm out with my crew. My drip too hard, you might drown in my pool. Your ass so fat, you got all the damn jewels. When you whine, tech time, you're too sexy and cute. Pull up in the range, how the gal you wanna know. I don't want your loving, I just wanna make dough. I be getting all up, babe, I be getting all up, babe. Running to the money like, bro. I don't need your loving, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffing when I say no coughing. Shorty said she coming with a bread dress, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no lover, I just wanna make the moolala. Yeah, the moolala. I just wanna make the moolala. Go on, say moolala. Moolala, fresh fit now, yeah, big one. Money coming in, she tryna get closer. Yeah, she feel the kiss, she tryna ride with us. But sure, you must have lost her mind. She ain't rolling with that brethren to the Rover. Go ahead, keep it stepping, baby, move on. Yeah, but mama couldn't get this love, couldn't take this love from me. So keep a lady close if you ain't tryna make a cheat. She looking like a baddie, but her baddies for the streets. Big dog, yeah, she kind for a piece. I don't need your loving, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffing when I say no coughing. Shorty said she coming with a bread dress, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no lover, I just wanna make the moolala. Yeah, the moolala. I just wanna make the moolala. Go on, say moolala, yeah. Link, no long ting. I ain't tryna cuff, I don't want no ring. Man are getting giddy, think he gonna get a kitty. But little dizzy, no, I only want him for the licky. Hit my line, you're on my time. And if I said six, it might be nine. I want the mullah, squalor, guap. Looking for the brothers that are always on job. I might send you the chauffeur, so you can come on over. I don't want no kiss. Text my phone, new Shorty number. Shorty said she coming with a bread dress, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no lover, I just wanna make the moolala. Yeah, the moolala. I just wanna make the moolala. Go on, go see the moolala. Yeah, Shorty been in my life, she said she wanna see me. But I just wanna make my peace. She free in my grab, she said she wanna know me. She wanna leave me after quarantine. She was in her up in a Rover. Yeah, now she wanna come over. I play hard, call me Casanova. And now she want me cause she love my more. She a bad thing and I know she knows. That way she's living, man, she really tryna show it. I should turn her 10, I must say. But a nigga fell in love with the money. Found the world. Girl, I belong Kelly, Pam Pam, Conchera, Upa, Kama, Tanga, Sekera. Yuko vino vya paikoko kutoka Mazabe. Picha twazi, twanga kisera, posti insta, wanga kwa kera. Bata ya chali kimoko. Il est chez nous exclusivement tous les vendredis soirs entre 19h30 et 21h sur Master. C'est le mashup de DJ Florum. Si vous voulez laisser votre message, direction maintenant masterfm.fr, rubrique contact, ou alors sur notre messagerie 06 52 49 36 10. Vous nous ajoutez sur WhatsApp, vous laissez votre message vocal et DJ Florum vous répondra pour la suite du son mixé par DJ Florum. Voici Afrobeat, les Black Eyed Peas, Nina Sky et Davy pour Baila Comme Nigo. Maintenant, bon week-end avec Master. DJ Florum, DJ Florum. Girl, your body bad, oh, you go kill me tonight. Now me go de beg you if now you cause the fight. Us on the oh, Wendy, oh, are you? Say them fight past Kim Kardashian, code can you ninja me? No go kill Percy. Put your back and make you show mercy. Now why you de play Percy? De play Percy like oh, oh, oh, DJ Drogba, oh. She give me her number, oh, I save her mask. Joanna, Joanna, how you do me like hey, Joanna, Joanna, how you gonna do me like Joanna, Joanna, hey, Joanna, hey, Joanna, Joanna, ay, ay, ay. Me going on and on. You're back on and on, baby, yeah. You're back on and on. Kiss me going on and on. You're back on and on. Oh, Lord of mercy. Let's go. I just wanna let you know, say, you really baddest. Yeah, you go kill me, oh, with your fantasy body. Oh, no, no, no, do you would do me like magic. She do me like magic, oh. Give me the magic, I go, baby. I did, I will hear me, oh, yeah. Joanna, oh, yeah. Oh, yeah. Let's go. Give me the magic, I go, baby. I did, I will hear me, oh, yeah. Joanna, oh, yeah. Oh, yeah. Why you do me like Joanna? Joanna. Why you do me like hey, Joanna? Joanna. How you gonna do me like Joanna? Joanna. Hey Joanna. Hey Joanna. Oh baby, girl, Joanna. Ay, ay, ay. Cause you're my destiny, my ebony, my fantasy. So come be with me. The reason why I'm breaking all this fantasy. Girl, I want ya. Your baga boom boom is too much. Make it only do like that. Hey, you know I got a juice like pot. Joanna. Hey, oh yeah, zoko, zoko. Baby, I no boko boko. Why you wanna help me? Otto, otto. Plantain chips for your coco, coco. Hey, oh, you feel me now. Your busy body give me fever. Why you wanna hurt me? Otto, otto. Plantain chips for your coco, coco. Why you do me like Joanna? Joanna. Why you do me like Joanna? Joanna. Mucha mente, pásalo con aguardiente y que vean lo bueno que se siente. Y ella tiene un culo grande pero natural. Ella dice que lo heredó de su mamá. Y yo se lo creo, porque por lo que veo rompe la disco con ese meneo. Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance, aunque sé que ya no creen romance, baby. Porque por lo que veo rompe la disco con ese meneo. Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance, aunque sé que ya no creen romance, baby. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Baby, I confuse. within my heart. Can't you see my love shine through the dark? To the ground, bouncing all around. Find the rhythm. Shake up the boom, pop a girl with little boom. Tell you why you can't. Say we will super fly and pull up a style and love the dance. I can't do without. Girl, you know say your body hot. You want to know me can have some of that. Coop on your lips, them hot like fire. Are you girl waist like a wire? Hit the floor and wine and skin low. Make all the rude boy them chat low. The way your body make me want show. Make the bubble clap, clap. Oh, there as she there. Death and the scene checking the nana for me. Me love to see all this ya yard got so brave. Make me want misbehave. Here as she there. Death and the scene checking the nana for me. Me love to see all this ya yard got so brave. Make me want misbehave. Bust it up. Yes, the Junko Kiba show them how it tough. How we tough. Fling it up. Just pull up from your sock. Girl, love to see how your waistline a turn. Things say me bad, but the girl pop me down. When she a work it, work it, work it. When she a work it, work it, work it. When she a work it, work it, work it. When she a work it, oh baby. Here as she there. Death and the sea checking the nana for me. Me love to see how this ya yard got so brave. Make me want misbehave. Checking the nana for me. Me love to see how this ya yard got so brave. Make me want misbehave. Stepping out the club, girl, I show me love and I tell me say. Shake that thing. Put the dance a touchdown, when go to the ground, bouncing all around. Ride the rhythm. Shake up the boom, pop a girl with little butt. tell her why you can't. Say we were super fly and pull up a style and love the dance. I can't do without. Yeah, you know, say your body. Ça c'est quand vous voulez, hein. DJ Florum, le podcast, vous le retrouvez dans quoi? Dans 2-3 heures, vous vous reconnectez maintenant sur masterfm.fr et vous allez pouvoir écouter son émission. Là en ce moment, il est en train de la mixer en direct pour vous. Vous retrouvez le match de DJ Florum et toutes les émissions de Master. Grosse session rap français avec Niska Kobalade, Gradure et PLK avec le remix de Yannis. Maintenant, c'est le match-up de DJ Florum jusqu'à 21h sur Master. DJ Florum. Tu crois qu'on a peur de vendre la scène. chaque jour pour moi est un combat. J'ai les cicatrices que le temps n'efface pas. Je vais les fumer, j'arrive à rien entendu. Je vais les frapper dans la lunette. Champion toute catégorie. Je négocie un showcase, je retape les Je veux dire, CRO, c'est la diable. Je suis dans la zone comme les verts. Mengati se soigner de Paname jusqu'à Chouette. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme les verts de Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Amateur, en champagne, en magnum, oh blé. Malade dans le club toute la journée. À peine arrivé dans le VIP et je suis bourré. Si ma go m'appelle, je réponds pas. Ça va noyer le carré, faut qu'il bourré. Je mélange vodka, tequila. Il s'en m'a rangé, moi je mis là. Elle est numbo, si j'ai dogging, je vais y aller profond comme Nabila. Viens chérie, elle a gueule sur la bleta. T'as rêvé, il fait que des restas. Elle est pétée, elle veut se frotter. Ça va dégainer, elle est mature, elle est belle. Ouais. Magnum, cognac, belle, jacka. Oui, je fais la malade. Si t'es nouveau, donne ton plus narcisse. Point quoi, je t'amène en balade. J'suis dans la zone comme les verts. Mengati se soigner de Paname jusqu'à Chouette. T'as rêvé, il fait, tu peux pas me louper. Tout est OP comme les verts des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Amateur, en champagne, en magnum, oh blé. J'arrive, je fous le spell. Ferme ta gueule. Tu me dis que tu es en couple. Ta gadji se sent seule. Je prends plus de belvédère. Je laisse ça à tes petits frères. J'ai baisé Rihanna sur la vie de ta mère. Je vis cher, ma vie chère. Tu me chais cher, voilà tu vas prendre cher. Le négro, Django, Django, Kodo, Gustavo, Hila, Wendo. Chegue, dealer, y'a papé. Voyou comme Berlusconi. Donatella, Versace. Ce que je passe, c'est produit. Comme les verts, Mengati se soigner de Paname jusqu'à Chouette. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme les verts des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Amateur, en champagne, en magnum, oh blé. J'suis dans la zone comme les verts. Tout est près de Paname au NVR. Tous vos gars sont des suiveurs. J'suis dans ta et j'attire, ouais, c'est sévère. Tous minots, tous frais dans le carré vide. Des grosses tailles et des tasses qui arrivent qu'on se vide. Prends le ticket pour entrer si tu veux qu'on t'invite. Pas bon, les coups de savoir qui je veux que tu la bip. Une taille, une taille, un spliff. Je fais la malade dans le club, oh bla. Encore une taille, y'a la mif, c'est bâtard qui bug, oh bla. Le gars vive avec mes négros. On fait la diff, y'a pas le même niveau. Bitch, tu veux check un de mes potos. J'espère que t'es prêt pour qu'il te casse le dos. J'suis dans la zone comme les verts. Mengati se soigner de Paname jusqu'à Chouette. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme les verts des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles, oh blé. Amateur, en champagne, en magnum, oh blé. Quelle barre. Ouais, je la détaille. Qu'est-ce que c'est, trouvons la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pute. Et bien que j'ai biscuit, peu j'étais à deux d'autres. Prends des années, j'ai me mettre à deux tout baiser avec moi. Sans demander mon avis. Pas du tout les mêmes trucs qu'avant. Avant c'était la merde, si tu savais. Tu as foutu au bord de la plage. Elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, le Murphy gay. Sur mon bras droit, sur mon bras gauche. J'suis tout en neck, pas d'habit luxe. Par de TM, voiture de luxe. J'suis au volant de la RR. J'ai 10 étoiles au-dessus de ma tête. Rien n'a changé, j'suis dans le bain de chou. Crain de remplir de cacha et de mégots. Je peux même sauter sur mon chapeau. Je suis ton lit, sa mère la pute. Tes bouilles rentrées qu'un gros 6 de ski. Comme je suis pété d'une, je suis obligé. Mais ce qui met en jean. On va aller du ciel. Si Fuco de la baie. Détail c'est toujours sur scène. Dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel les PDG. Vive l'argent du raté. Nickel les PDG. Nickel les PDG. Moi j'ai ce que je te raconte. En fait si tu fais tout c'est que t'es con. J'ai fait beaucoup de chutes, j'ai fait beaucoup de poids. Fasse ta pute qui t'apprend des coups. Faut que tu prends dans le tas. T'es fini mais pas qu'on est levé tôt. Et dans mon gars moi j'peux enlever le toit. J'ai le syndrome de gif de la tourette. Gif de la tourette. J'suis capuché devant la tirette. Méchant, méchant, méchant. Elle a pas ses règles, j'la brouille à tirer. J'suis dans la gueule, moi à sa mère. J'suis trop méchant. J'sais même plus combien j'ai pu mettre. Les teintes, ne joue pas au con. Ta vie je sais comment l'abréger. Les cases me voient, ne montent plus le ton. J'ai 30 fois le salaire de l'OPJ. La peau est bonne, les prix sont bons. J'ai 2-3 contacts vers la Belgique. Allô, Bigo, c'est quoi le boulot? Putain, faire du sale, j'suis encore obligé. L'argent ça ne s'attend pas. Les négros se flinguent comme à Atlanta. J'ai de la frappe de ouf, celle de Franck Lampard. C'est des balles de tous qui sont sur l'impact. Toi bah bouge tes locks. Pendant que j'hoppe mon Glock dans le froc. Oh putain, là j'suis mort. J'crois j'ai mis ma pute en cloque. On va l'aller du sel. Si Fuco de la baie. PDG. Moi j'ai ce que je te raconte. En fait si tu fais tout c'est que t'es con. C'est pas tout beau tout rose. J'ai fait beaucoup de thunes donc j'ai beaucoup de bol. Faut pas que tu fasses ta pute qui t'a pris des coups. Faut que tu prends dans le tas. T'es pour les mecs de la lune des doigts. T'as mon gars bouge pas fais le tort. Moi j'ai ce que je te raconte. En fait si tu fais tout c'est que t'es con. Moi j'ai ce que je te raconte. En fait si tu fais tout c'est que t'es con. Moi j'ai ce que je te raconte. En fait si tu fais tout c'est que t'es con. Moi j'ai ce que je te raconte. En fait si tu fais tout c'est que t'es con. Clairement, tube de cet automne, à Zumba Café, à l'instant sur Master, mixé par DJ Floram. C'est un mix de FDB pour la suite. Alors là, un petit peu plus vénère, un petit peu plus électro, avec Purple Disco Machine, on va se faire Chico Rose, Chucky, Armin Von Buren, maintenant mixé par DJ Floram. Le mashup, c'est sur Master. Politikalen

Mas outra vez apresenta meu baianão. partir de 21h, c'est Multitempo Party avec DJ Léviathan. On se retrouve vendredi prochain, 19h30-21h, en illimité. Téléchargez l'émission de DJ Florum et toutes les émissions de Master direction le podcast rubrique replay masterfm.fr. Avant de retrouver Multitempo Party, le mix de DJ Léviathan, voici un classique de 2005, comme DJ Florum le fait à chaque fois avant de se quitter. Un classique de 2005, de celui de Cabin Crew, c'est Stars to Fall. Nous on se retrouve vendredi prochain, 19h30-21h. Et n'oubliez pas, ajoutez-nous sur WhatsApp 06 52 49 36 10. Passez un bon week-end avec Master. Chaque semaine, DJ Florum Mix Mashup. C'est sur Master. C'est sur Master. Master. Urban and Electro Station in France. Master, Hip House Music. Beauty Tempo.